pas de maladie. Faut que je sorte la dive pour la mif, ni chiffre, pour le vif. On nous l'a dit, on m'a dit, si tu savais, c'est ce qu'on m'a dit. Rappelle-moi, c'est une maladie. J'suis pas de maladie. Faut que je sorte la dive pour la mif, ni chiffre, pour le vif. On nous l'a dit, on m'a dit, petit, ne baisse pas les bras. On m'a dit que ça tire, nous on vise pas les bras. On m'a dit, faut se battre pour rester libre. On m'a dit, t'apprendras ce qu'on t'apprend pas dans les livres. On m'a dit, petit, reste droit et digne. On m'a dit, le salut des reilles se trouve indigne. On m'a dit, des choses qui ne se disent pas. On t'a dit, si tu sais pas quoi, frère, ne dis pas. On m'a dit, Inch'Allah, t'iras loin. On m'a dit, porte tes couilles, rey, et tout ira bien. On m'a dit, rey, fais attention à toi. On m'a dit, quand t'es en cellule, on pense plus à toi. On m'a dit, ne perds pas dans tes pensées. On m'a dit, tu as tu seras récompensé. On m'a dit, y'a que les vrais qui te reconnaîtront. On m'a dit, qu'on pouvait se refaire avec un litron. On m'a dit, si tu savais tout ce qu'on m'a dit. Oh, oh my, rappelle-moi, c'est une maladie. J'ai pas de maladie. Faut que je fasse la dive pour la mif, du chiffre, pour le bif. On nous l'a dit. On m'a dit, si tu savais tout ce qu'on m'a dit. Oh, oh my, rappelle-moi, c'est une maladie. J'ai pas de maladie. Faut que je fasse la dive pour la mif, du chiffre, pour le bif. On nous l'a dit. On m'a dit qu'on voulait savoir qui je suis. On m'a dit, si tu veux savoir, regarde qui me suit. On m'a dit que ce sera dur pour le disque d'or. On m'a dit, nique tout l'industrie du disque d'or. On m'a dit, serre-toi ce qu'on t'a appris. On m'a dit, si tu te perds, serre-toi ce que t'as écrit. On m'a dit, fais le tri dans tes fréquentations. On m'a dit, évite le chétan et ses tentations. On m'a dit qu'on fera plus de mal à ceux qu'on aime. On m'a dit, ce qu'on a fait hier, c'est de nous ce qu'on aime. On m'a dit, monsieur, c'est pas le bon curriculum. On m'a dit, les couilles et le manche, voilà ce qu'il fait l'homme. On m'a dit, comment ça ils disent tous rey. On m'a dit, t'inquiète pas, rey, un jour tous paye. On m'a dit, fais du fric et fous pas les dents. On m'a dit, fous la merde, rey, non, on est dedans. On m'a dit, si tu savais tout ce qu'on m'a dit. Oh my, rappelle-moi, c'est une maladie. J'ai pas de maladie. Faut que je fasse la dive pour la mif, du chiffre, pour le bif. On nous l'a dit. On m'a dit, si tu savais tout ce qu'on m'a dit. Oh my, rappelle-moi, c'est une maladie. J'ai pas de maladie. Faut que je fasse la dive pour la mif, du chiffre, pour le bif. On nous l'a dit. Faut que je fasse la diff pour la mif, du chiffre, pour le bif. On nous l'a dit.